Le journal péruvien Action Nacionalista a présenté le texte intégral du discours inaugural du maréchal Kim Jong-un au 7e congrès du Parti Travail de Corée. Le journal a inséré le portrait en sourire du président Kim Il-sung et les photos du général Kim Jong-il et du camarade Kim Jong-un qui répondent aux acclamations enthousiastes des masses sur la tribune d'honneur de la place Kim Il-sung.